there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. You've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns you down. Okay. Sentimentalement déficient, je suis pas d'humeur à te faire la cour. Déficitaire sans mes aventures, s'attacher c'est difficile. Cœur de pierre qui soupire au tempérament d'un solitaire. J'ai le mental d'un ado et la testo d'un cervidé. Laisse ta morale aux vies d'ordures. L'amour est un besoin, mais le sexe n'est qu'une envie. Amène-moi une tasse ou une lesbienne. Vis ma life au carpe diem, toujours en quête du véritable. Je suis ouvert aux filles potables, les yeux fermés sur la vérité. Braque la femme adultère a un faible pour les salauds et les rebelles. L'hypocrisie au bout des lèvres, c'est par intérêt que les gens se love et s'inventent des mythos pour faire leur valise. Y'a des femmes bien, mais l'on valide que des michetos et des petites connes et cervelées qui s'alignent sur salaire des racoleuses. Prononce-moi pas le je t'aime, si tu veux de la thune, je te rendrai pas amoureuse pour me vider les burnes. Mademoiselle, je suis parageux, dans mon lit y'a de la place pour deux. Hey, hey. Je ne te laisserai pas dormir dans la baignoire ou sur le plancher. Plancher. La vie à la mort, pour elle tu aurais enlevé la vie, donné la mort. Elle disait mi amor, tu lui disais je t'adore. Plus fort que tous vos désaccords, tandem inséparable, elle disait qui est fiable. Mais t'es négro de rappeler qui est le diable. Cocktail redoutable, le son, les potes, les femmes. Mon Dieu que l'homme est faible, ton âme est dans les flammes. Tu saignes, tu t'isoles et tu le sais, de changer t'essayes. Mais tu ne sais qu'écrire et blesser, ta vie tourne en rond. Plus d'une te le diront, à courir après les ronds, plus d'un te trahiront. T'es comme une bouteille vide, un artiste triste, avide. Comme eux l'ont tes rêves sont fichus, profondément déçus. Ça ne t'arrivera plus jamais, je t'ai vu te le jurer. Désormais, dans le train des sentiments, tu refuses de démons. Mi-ange, mi-démon, tes âmes sœurs sont des beatmakers. Touche au cœur, t'excites ta rancœur. Tu sauveras personne, no love. Tu les brises, t'es pas ta vie d'un seul love. T'as appuyé sur off, leur offre. Fuck, toi t'es fermé comme un coffre. Les délires de s'ouvrir, toi ça te fait sourire. T'as pleuré à vouloir en mourir. T'es prêt, t'es habitué à souffrir. J'ai trop la flemme, mais je kiffe les ambiances folles et ces cœurs qui se la racontent. Mais dans leur cul, prends un McDo ou un KFC. Hey, j'suis pas le genre à supplier ou m'apitoyer sur une défaite. L'amour à double tranchant, c'est un fait. Y'a plus de femmes que d'hommes, preuve que la vie est bien faite. Mais que l'homme est imparfait, me caresse pas. Au quart de tour, je démarre. Attends que je te débite de belles paroles et des beaux bars. Appuie sur pause et rembobine. Volontiers, j'enfilerai le costume du Roméo pour une nuit romantique, une endurance au rodéo. Car elle kiffe les hommes singes, les macaques et les bonobos. Je préfère une bonne baisse, un je t'aime incertain. Des coups de foot noctambules et des afters pété au petit matin. Plus rien ne m'étonne, omerta des sentiments et pulsions génitales. Les gosses se dévergondent tôt, puisque réel pour la garde. Dino, rebelle, lion.